Pour ceux qui ne sont pas au fait, que ce soit volontaire ou volontairement ou involontairement, de la nature du régime de Ouattara, c'est eux qui sont surpris. Nous, on savait que ça allait se terminer comme ça. Donc, on savait, Ouattara avait quel moyen, il avait quel moyen de faire pression sur le régime malien. Il a quel moyen? Avec quel moyen? Sauf les naïfs. D'ailleurs, quand on a les moyens, on ne fait pas les tours qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on passe direct, on va directement. Il a fait le tour du monde, il a fait le tour du monde, le tour de la planète, pour revenir au point de départ. Bon, de manière fondamentale, il faut dégager deux ou trois choses de cette situation. D'abord, nous devons observer et féliciter un leadership qui nous inspire et pour qui nous avons beaucoup nous accordons beaucoup d'attention parce qu'il est, il est, il est, il est, il est un cas, qu'on m'excuse de réduire le Mali à ça, hein, mais qu'on comprenne ma pensée, c'est comme on disait, c'est un cas d'expérience. Voilà un président, je parle du colonel Assimi Goïta, il ne bavarde pas. Il ne sort pas de son pays. Il faut que les gens regardent. Hein. Parce que les gens font croire qu'il faut voyager trop. Quand on est un président, on voyage trop. On voyage trop et quand on voyage trop, on règle les problèmes. Vous savez qu'il y a une typologie de président qu'on nous a vendu ici dans le, dans ce précaré ténébreux franc-africain, mais qui n'était que en fait un précaré occidental. On nous a vendu une typologie de président et nous avons cru que c'est comme ça qu'il faut être pour être un bon président. Or nous savons que c'était pas, ce n'est pas ça le bon président. C'était une façon de masquer des valets, de vouloir habiller décemment des sous-préfets, des présidents de pacotille. Ce n'est pas que nous insultons ces présidents, c'est la nature de leur fonction que nous sommes en train de mettre sur la table. Ce n'est pas que nous insultons les individus en tant que tels. Vous pouvez être même très brillant, mais dès que vous entrez dans la structure de la fonction, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez plus rien faire de particulier, parce que cette structure-là est figée pour comment dire ça, dans un engrenage historique qui vous dépasse. Donc on nous a fait croire ça, qu'il n'y avait rien à faire, on ne peut pas gouverner autrement. La seule façon, la seule option, c'est la soumission, l'adoration, n'est-ce pas, du système. C'est ça qui est un grand président. Donc dès que tu étais reçu au Quai d'Orsay, au perron de l'Élysée, avec un quelconque président français qui te tapait l'épaule, tu fais 5 minutes, on prend les photos, tu es devenu un grand. Je suis un homme d'État, je suis grand. Vous avez quelqu'un qui est là depuis quelque temps, qui vous montre qu'on peut diriger autrement. Quels sont les objectifs précis à atteindre? Il sait où il va. Et il les atteint sans bruit. Je parle du colonel Assimi Goïta. Donc, dès que la crise a commencé, il a posé les principes et les conditions de l'affaire. Il a donné sa vérité des faits. Il est resté tranquille. Le monde entier s'est embrouillé. L'ONU, en commençant par son secrétaire général, à qui on a rappelé son rôle, c'est-à-dire un petit coursier. Donc, vous savez qu'on lui a rappelé en direct, le premier ministre intérim, le lui a rappelé en direct. Donc, ça, nous, on parle par l'air. Et on était très heureux. Donc, tout le monde s'est embrouillé, s'est agité, tout ça. Assimi Goïta est resté calme. Tous les embrouilles que les uns et les autres ont fait, c'était pour enfin lui donner raison. L'ONU dément une chose, demain dit le contraire, le lendemain redément. Le secrétaire général veut contredire la position de l'ONU même sur une question, il vient contredire. C'est une affaire qui lui a démontré une fois de plus comment dire ça, la vraie nature du système international, s'il le fera encore. C'est une affaire qui a démontré le caractère pourrissant, le niveau de putréfaction, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le système international, et la crédibilité que les gens veulent se donner parce qu'ils sont censés représenter ce système-là. Alors, M. Ouattara, au départ, le bluff comme d'habitude, il menace, il s'agite, après il dit, ça va se régler à l'ONU, il va à l'ONU, ça ne marche pas, il revient à la CEDEAO, ils font le bruit, ils ont donné au moins 3 ultimatums, la CEDEAO, hein. Ils ont donné au moins 3 ultimatums. Et évidemment, à chaque fois, ça veut dire que l'ultimatum se transforme, n'est-ce pas, en non, vraiment, il faut qu'on Il donne un ultimatum au public, mais après le même président lui dit que non, il faut privilégier la voie pacifique. Il faut privilégier la voie pacifique. Mais pourquoi vous parlez en public, vous donnez les ultimatums, et maintenant par derrière, chacun va de son côté et fait semblant de dire que non, vraiment, il faut la voie pacifique et tout et tout. Donc on a là, au niveau formel, n'est-ce pas, une fois de plus, on voit exposer la nature de ce système. Ça ne tient plus, il n'y a rien. Ce n'est pas du sérieux. C'est du banditisme, c'est de la fémania. C'est en pleine putréfaction. Les gens qui représentent cette structure-là, malgré les grands airs qu'ils ont pris, on a cru qu'ils avaient de la valeur. Ils n'ont aucune valeur. Vous voyez, un secrétaire général, l'ONU ne vaut rien. Il ne vaut absolument rien. Il le demande. Vous voulez me le respecter? Vous voulez me le respecter? Vous n'avez pas le moyen de le faire parce qu'il ne vaut rien. Alors, s'il ne vaut rien, la CEDEAO, rien du tout. Ils sont là avec des vestes, ils mettent des drapeaux ici, ils veulent se faire important. Zéro touron, avec des présidents vides, sans aucune consistance. Donc vous regardez tout ça, vous vous demandez, mais c'est pas possible ça. Mais comment on peut arriver à ce genre de niveau? Je ne parle même pas de l'Union africaine. Vous vous demandez comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau? Mais bien, on nous a vendu ça pendant des décennies. On nous a vendu ça pendant des décennies. Nous avons cru que tout ça était sérieux. Assimi Gouattara passe à fermeté, déshabille tout ça, dégonfle tout ça, et les détruit sans parler, parce qu'il les expose. On voit qu'ils ne valent rien. C'est-à-dire que ils disent que bon, quand vous entendez parler, vous avez l'impression qu'ils vont avaler Assimi Gouattara en deux jours. Vous êtes sûr que Assimi Gouattara et le Mali ne peuvent pas tenir trois jours. Quand il parle, après ça, vous vous rendez compte, mais il se dégonfle encore seul devant lui, et même ils s'embrouillent, ils sont perdus. Donc, Assimi Gouattara et le régime malien nous ont fait un cours vivant sur la nature et la réalité de ces institutions-là, qui font du bruit, mais qui en réalité, face à une démarche lucide, à une démarche sereine, à une démarche de conscience, ne peuvent rien faire. Ça, c'est sur la forme, hein. Dans le fond, mais un rapport de force devant vous est en train de se dessiner. Une nouvelle dynamique émerge. Une nouvelle dynamique est en train de s'imposer, petit à petit, sans faire de bruit. Et désormais, il faudra faire avec. Et cette dynamique, c'est notre dynamique. Assimi Gouattara incarne. Il n'est pas le seul d'ailleurs à le faire, en ce sens-là. Notre dynamique, qui aurait cru hier que c'était possible? Que dans cette sous-région, totalement vassalisée par la France-Afrique, agissant pour le compte de l'Occident, entre guillemets, qui aurait pu croire qu'on se retrouvera devant une pareille situation? Qui aurait pu croire? Donc ça veut dire concrètement que tous les présidents là réunis, tous les pays là réunis là, tout le bloc de l'OTAN là, qui ne veut pas dire son nom là réuni, plus l'ONU, n'ont pas été capables de faire plier le Mali. Ça c'est la leçon. N'ont pas été capables. Alors, et à partir de là, la méthode Assimi Gouattara peut faire tache d'huile. L'exemple malien peut faire tache d'huile. Ça nous parle. Qu'est-ce qui amène Assimi Gouattara? Quels sont les ressorts de cette force du régime malien? Quels sont les ressorts, n'est-ce pas, qui font la force du régime malien? Mais, tout à l'heure, je vais dégager les éléments formels. Le sérieux d'un dirigeant, sa détermination, sa lucidité, et une équipe qui est autour de lui, de personnes qui ont une vision pour le pays, qui ont l'expérience du pays parce qu'ils ont mené les batailles de leur génération pour le compte du pays, n'est-ce pas, et des bonnes alliances géopolitiques. De bonnes alliances géopolitiques. Et peut-être l'histoire aussi, président. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il dit la vision, l'histoire de leur pays. Ils connaissent tout ça. Assimi Gouattara était au front. Toute cette génération-là, Abdoulaye Diop, tous ces gens, vous voyez, c'est une équipe qui ne tombe pas du ciel. C'est une génération qui est le produit d'une histoire. Alors, elle s'est appropriée l'histoire du pays. Elle a tiré les leçons du passé. Elle a dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous faisons une bonne alliance stratégique et que nous évitons les pièges du passé et que nous sommes fermes et que nous sommes dans une dynamique, comment on dit ce moment-là, wagon locomotive, avec le peuple, c'est terminé. Vous avez ça devant vous, non? Vous voyez ça devant vous? Dynamique, wagon locomotive, entre le peuple et ses dirigeants, c'est l'un des rares pays au monde où on voit ça. C'est-à-dire une vraie démocratie. Une vraie démocratie. Deuxièmement, des bonnes alliances, une bonne alliance géopolitique. Une bonne alliance stratégique. C'est indispensable, Junior, pour gagner le combat. C'est indispensable dans le contexte actuel. Une bonne alliance. Et le calme, terminé. Le calme. On ne dénonce pas l'Occident, ou entre guillemets, on ne réclame pas le respect, et par derrière, on a le comportement qui nous dérespectabilise. On dit, on doit nous respecter, et on est cohérent dans son comportement. il ne cogne pas la porte de l'Élysée. Vous avez vu Yassine Goïta aller négocier un voyage en France. Il a compris que s'il va en France, à l'Élysée, il est même maudit. C'est ça qui va le détruire. Il ne voyage pas, il ne cherche pas la reconnaissance des pères de l'Occident. La reconnaissance, c'est son pays. C'est ça qui l'intéresse. Il ne bouge pas. Et il impose le respect. Donc il y a un rapport de force qui se détermine dans la sous-région. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu que dès que ce capitaine Traoré a pris le pouvoir, premier voyage et seul voyage, c'est où? Au Mali. Vous voyez comment ça fait trembler? Ça fait trembler l'establishment, entre guillemets. Il tremble, il y a un tremblement de terre. On en parlera d'ailleurs. Voilà, le gars n'a pas encore bougé. Hein. Les gens tremblent. Parce qu'on sait très bien ce que cela veut dire. Maintenant, aux Ouattaristes, je ne veux pas dire les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens ne sont pas aux Ouattara. Les Ivoiriens sont pris en otage par la communauté internationale autoproclamée de criminels qui ont délégué un criminel à la tête de la Côte d'Ivoire, qui l'ont placé là, qui terrorise les Ivoiriens. Donc les Ouattaristes n'ont qu'à tirer la leçon eux-mêmes, de voir ce que vaut leur président, de voir ce qu'il vaut. En dehors du bruit qu'il fait, ce qu'il vaut réellement. Voilà une affaire qu'on aurait pu régler en 2 minutes. Effectivement. J'ai dit en 2 minutes. Un dirigeant sérieux d'envergure. On a réglé ça en 2 jours. L'affaire s'était passée comme ça. Mais on a quelqu'un qui oublie, qui ne vaut, qui oublie qu'il ne vaut rien. Et qu'il a une fabrication, n'est-ce pas, de ses maîtres. On va rester courtois comme président. Il n'y a pas de courtoisie ici. On n'a pas le temps. Il y a plus de courtoisie à voir avec les gens comme ça. Donc, ce type-là, il oublie qui il est réellement. Enfin, il oublie qu'il n'est même pas un sous-préfet. Il faut trouver un autre mot pour lui. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Il croit qu'Assimi Goïta et lui sont pareils. Il bombe son torse. Il veut qu'on le respecte. Mais par quel moyen, M. Wafo, peut-on respecter Ouattara? Donnez-moi les arguments qui permettent de le respecter Ouattara. Donc, il est chef de l'État. Voilà tous les arguments. C'est un chef d'État. Mais est-ce que M. Ouattara agit comme un chef d'État? Il est quand même le président de la République de Côte d'Ivoire, élu démocratiquement. Mais vous pouvez citer, on peut citer tous les présidents qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut citer tous les présidents, tous ces gens-là. C'est-à-dire que mais tous ces gens qu'ils ont placés partout sont des présidents. Et on se tait. On scie les pompes, on scie les chaussures, et on est très heureux, oui, on a des présidents. Ils mettent des vestes, ils voyagent, ils parlent à l'autre nom dans le monde, et on danse. Non, c'est pas sérieux. Monsieur Ouattara, c'est pas un chef d'État. C'est pas comme ça qu'on arrive au pouvoir. C'est pas comme ça qu'on se comporte quand on est un président. Alors, et maintenant, si on nous force, par la publicité, par les pressions, par toutes sortes de chantages, pour dire que non, respectez-le, ben ok, on veut donc le respecter, bon, voyez alors ce qu'il fait. Si on prend cet événement pour critère de respect, dis-moi par quoi est-ce qu'on peut respecter Ouattara? Il manque comme ça, c'est pas possible. Il est obligé de mentir comme ça. Même quand vous voulez mentir, mentez bien. Mentez au moins bien. Vous pouvez mentir aussi grossièrement, c'est un dossier comme ça. Regardez comment il s'est comporté. Même le pire voyou ne serait pas comporté comme ça. Mais monsieur Junior, vous ne pouvez pas avoir à la main ce téléphone, ce que j'allais comme ça à titre pédagogique. Vous dites ici devant les gens, je dis que ce n'est pas un téléphone. Je dis que ça, ce n'est pas le téléphone, c'est une boîte d'allumettes. Mais c'est pas un mensonge, c'est de la bêtise de dire ça. Il faut apprendre à mentir. Le dossier, c'est le dossier des créanciers mercenaires. Ça dit qu'on a vu des pas vertes et des pas mûres. On est descendu très bas pour des dirigeants. Très bas. Regardez tous les gens de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur ce dossier? Mais à chaque fois qu'un dirigeant est descendu au Mali sérieusement, en partant, il a dit, pardon, ne parlez plus jamais de cette affaire. Dès qu'un président est arrivé, vous connaissez tous les délégations qui sont partis au Mali. À chaque fois qu'une délégation est allée au Mali et a rencontré M. Assimi Goïta et ses mercenaires, elle dit, vous avez vu le gars est rentré, ces gens sont rentrés transformés. Et ils ont fui les interviews. Ils ont dit, on ne fait aucune interview. C'est encore mieux comme ça. Parce qu'ils voyaient que s'ils faisaient l'interview, ils devaient être obligés de désavouer leur père. C'était trop gros. Grossier. Assimi Goïta, c'est le grand homme, c'est le gentleman de cette affaire. Parce qu'il faut avoir même beaucoup de hauteur pour même se comporter comme Assimi Goïta a dû le faire, au regard de la gravité de ce qui est en train de se passer. Mais ils ont menti. M. Ouattara a voulu nous faire croire que non, le soleil c'est la lune. Parce qu'il a voulu faire croire aux gens. Quand je vous dis que le soleil c'est la lune, acceptez ça. Non, c'est moi qui vous dis. Vous voyez qu'il est. Il a un problème mental, ce monsieur. Il a un problème mental. Oh, c'est une affaire qu'il était. Qu'il aurait été réglé en 5 minutes ce jour. En 5 minutes. Non, il faut qu'il joue au grand. Il faut qu'il montre que dans la sous-région, il est le seul coq qui parle. Et quand lui parle, personne ne prend parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous grattez, vous voyez que, mais attends, qu'aime le monsieur là qui veut qu'on le respecte? Il dit qu'il est économiste. On ne lui connaît rien. Il n'a rien qui démontre qu'il est économiste. C'est parce que vous avez été directeur général à Joël Femi que vous êtes économiste. Un économiste, c'est quelqu'un qui produit des théories économiques valables. Vous connaissez un document écrit par M. Ouattara en langage économique. Ses seul prouvé, c'est que j'ai été directeur à Joël Femi. Tout ce qu'il vous dit. Dès que vous parlez d'économie, je vous dis, j'ai occupé de hautes fonctions. Voilà ce qu'il dit. Mais ce n'est pas ça l'économiste, puisqu'on peut ramasser n'importe qui, on met là-bas. On met là-bas, c'est démontré. Donc, il a fait quoi? Alors, moi, je sais que non, vraiment, je suis brillant. J'ai voulu être président, je suis devenu président. Y compris en tuant tout un pays. Donc, quand vous regardez, alors, donc, quelqu'un qui incarne les contre-valeurs absolues, mais veut qu'on le respecte. Il ne faut aucun effort pour même quand il a l'occasion de faire quelque chose qui puisse vraiment donner du grand amour de toi pourquoi parlant de lui, on dise que bon, ici quand même, il a fait ça. Il y avait quand même du bon. Oui, non, un dossier comme ça. Il ne fait rien. Non, mais c'est la vantadise, l'esbrouf, la fuite en avant. Regardez le dossier de la drogue. On a nié, machin, ici. On a fait une campagne contre l'Afrique Média ici. On est Afrique Média, on a compté n'importe quoi. Maintenant, l'État ivoirien reconnaît que la drogue devient une question de santé nationale en Côte d'Ivoire. Mais qui a organisé ça? C'est M. Ouattara. Qui a instrumentalisé M. Bakayoko? Bon, père à son âme, je vais parler de femme, père à son âme. Il n'est plus en propre de lui. M. Ouattara, on a passé le temps à nier, non? Il a dit qu'on a fabulé ici. Donc, on s'est rendu compte que, mais attends, mais c'est une arco économique. C'est une arco économie. Et que les prétendues prouesses économique de la Côte d'Ivoire, c'était basé, entre autres, sur la drogue. C'est-à-dire qu'on a généralisé la consommation de la drogue dans le pays pour détruire les populations. On ne sait pas à quel but. Mais appelle ton frère en secret. Envoie ton frère. Et en plus, même tu as un président qui était... il n'est pas une référence pour nous. Je parle de foi et adhémat. Qui veut jouer, qui est vraiment dans le dossier. Il voulait jouer les médiateurs. Il joue, il a joué son rôle et tout. Il connaissait le dossier, il était avancé. Mais pendant qu'il est en train de gérer ça, toi tu le court-circuites par derrière. Parce que tu veux montrer que tu as les relations internationales. On va à l'ONU. Mais on allait à l'ONU. Voilà. Et le premier ministre malien a dit à l'ONU que M. Gutiérrez, là, de quoi tu parles là? Tu n'es pas un chef d'État. Tu n'es qu'un petit secrétaire. Donc, ferme ta bouche, ce dossier ne t'intéresse pas. C'est un dossier purement malien. Et si malien le gère. Il a remué ciel et terre pour comprendre que le monde a changé, mon cher Junior. Et c'est par là que j'ai terminé. Le monde a changé. Cette situation montre que le monde a changé désormais. C'est fini. C'est fini. Cette toute puissance de l'Occident, c'est terminé. Cette arrogance des injonctions et des ordres qu'on donnait et que les gens se pliaient, c'est fini, c'est terminé. Il est possible de faire autrement et de tenir. C'est ça qu'on est en train de voir. Donc, c'est le régime malien est l'incarnation de ce renouveau, n'est-ce pas, de cette nouvelle Afrique qui est en train d'émerger petit à petit, n'est-ce pas, et qui va suivre un autre chemin que ce qu'on a connu jusqu'ici. C'est en cela, comme ça que moi je vois cette affaire, au-delà, n'est-ce pas, de la déculottée. La déculottée, n'est-ce pas, de ce vantard qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Il est un agent de très bas niveau, il est un ennemi du continent africain, mais il veut qu'on le prenne pour modèle et qu'on puisse reproduire ça. C'est ça qui est inacceptable. Merci à vous, Président Bandakani. Afrique Média, le monde, c'est nous.